Chapitre 3. Quelle est la clé de l'énigme? Combien as-tu payé cette statuette de mauvais goût et ce parchemin ratatiné? Demanda Louis Sauvage à Marcel Leguet. 62 000 francs. C'est terrible, mon cher. Voilà un caprice dont tu aurais pu te passer. Songe que ce parchemin vaut une fortune. Ha! Qui le prouve? Mais je n'en aurais pas donné 4 sous. Ça ne les vaut pas. Ce n'était pas l'avis du majordome Génis. Encore faut-il découvrir la signification de ces hiéroglyphes. C'est pourquoi je suis venu te trouver, mon cher sauvage. Je connais et j'apprécie ton esprit savant et éclairé, ton don inné des devinations, tes aptitudes mathématiques. Tu as déchiffré des rébus plus compliqués que celui-ci quand nous étions au collège. C'est vrai, c'est vrai. Ne m'as-tu pas répété maintes fois que nulle énigme n'était indéchiffrable? Effectivement. Veux-tu essayer de découvrir la clé de celle-ci? Volontiers, mais je ne te réponds pas de la réussite. Si ces caractères sont écrits au moyen de ce qu'il est convenu d'appeler une grille, ce sera très malaisé. Si, au contraire, chaque signe du manuscrit a la valeur d'une lettre, ce sera un jeu d'enfant. C'est-à-dire, si je comprends bien, si chaque lettre a été remplacée par un signe conventionnel. Naturellement. Comment découvrir les lettres correspondantes? Très simple, il suffit d'avoir un peu de temps et de patience. Et c'est donc, mon ami, mon cher ami. Léon Sauvage prit un porte-plume, de l'encre, une feuille de papier, puis il examina le manuscrit mystérieux. Le célèbre conteur américain, Edgar Poe, dit-il, nous a indiqué le moyen de déchiffrer ce genre d'énigme. Examinons les chiffres et les lettres de l'étrange manuscrit. Que remarques-tu? Rien. Tu n'observes pas, voilà tout. Moi, je remarque que plusieurs lettres et plusieurs chiffres se répètent plus souvent que d'autres. Et Léon Sauvage se mit à compter le nombre de signes répétés sur le parchemin et nota sur une feuille de papier blanc 36 fois 5, 24 fois 8, 18 fois I, 17 fois 7, 20 fois D, 12 fois 6, 9 fois 2, 8 fois L. Tu remarques, dit Sauvage à Marcel Leguet, que le chiffre le plus répété dans le manuscrit est le chiffre 5. Or, quelle est la lettre la plus souvent employée dans les mots français? Indubitablement, c'est la lettre E. Il suffit de voir les cases employées par les typographes. Les caractères les plus nombreux sont les E. J'en déduis provisoirement que, puisque dans le manuscrit c'est le chiffre 5 qui est le plus nombreux, ce 5 remplace E. Très bien, parfait, admirable, s'écria Marcel Leguet. Léon Sauvage continua. Un premier terme m'est donc presque connu dans ce problème algébrique et je note 5 égale E. Après la lettre E, c'est le caractère A qui est le plus répandu et comme j'ai compté 24 fois 8, je suppose que 8 égale A. Cherchons maintenant à découvrir quelques mots et commençons par les plus courts. L'article « le » est fréquent dans notre langue. Cherchons donc deux signes à coupler dans le manuscrit. Je trouve, à plusieurs reprises, 75. Comme je suppose que le chiffre 5 remplace la lettre E, je peux présumer que le chiffre 7 remplace L et je crois avoir ainsi trouvé une nouvelle lettre que je vérifierai plus tard. Je note provisoirement 7 égale L. En outre, je retrouve plusieurs fois dans le manuscrit les deux chiffres 78. Comme j'ai admis que 8 égale A et 7 égale L, ce nombre 78 remplacerait l'article « la », trouvaille qui viendra sans doute confirmer mes hypothèses. Ces confirmations, Léon Sauvage les trouva après un travail patient qui lui demanda un temps très long. Parfois, il hésitait, modifiait ses premières données, mais peu à peu, le sens de l'énigme s'éclaircissait pour lui. Après avoir déchiffré des articles « là » et « le » comme nous l'avons montré, il parvint à lire des mots plus longs comme « faire »,« mur »,« entrer », etc. Cherchant lettre par lettre, il finit par découvrir la clé qu'il cherchait. Il nota sur son papier chaque lettre de l'alphabet avec son signe équivalent et arriva finalement à ce résultat. A égale 8, B égale point d'interrogation, C égale 9, D égale I, E égale 5, F égale point virgule, G égale 4, H égale plus, I égale L, J égale 3, L égale 7, M égale J, N égale K, O égale 2, P égale O, R égale D, S égale I, T égale E, U égale 6, V égale F, Z égale M. Voilà, dit-il triomphalement en montrant cette clé à Marcel Deguay. Désormais, nous n'avons plus qu'à traduire chacun des mots de ton mystérieux parchemin en remplaçant les signes conventionnels par des lettres correspondantes. Et sous les yeux de son ami, Léon Sauvage traduisit « Entrée des souterrains par le château. Vous soulevez le bras du Christ de la salle des gardes, la troisième galerie à gauche, après avoir franchi la porte de fer, vous pénétrez dans le caveau et descellez la dalle de marbre encastrée dans le mur. C'est au fond du couloir. » Marcel Deguay se jeta sur le papier en s'écriant « Merveilleux, sublime, inouï !» Bah, c'est simple comme chou, il ne reste plus qu'à savoir de quel château il s'agit. Dame, c'est le château de Beaulieu. Le grand point est d'y pénétrer sans éveiller les soupçons. Je suppose que c'est aisé pour toi qui a pris la forme du jeune comte de Beaulieu. C'eût été aisé il y a un mois. Ce ne le sera plus aujourd'hui. Pourquoi donc? Ah, c'est toute une histoire. Je te l'ai dit, j'avais pris les titres, la place et la physionomie du comte de Beaulieu. Il ne lui restait donc plus grand-chose. Il lui restait sa personne qui me parut fort encombrante. Il ne s'agissait pas de laisser courir le véritable comte qui m'eût compromis. Je l'avais séquestré provisoirement. L'idée était ingénieuse. Oui, je l'avais enfermé dans les caves de mon hôtel. Malheureusement, on le découvrit et il prit la clé des champs. Dès lors, je fus menacé par l'association secrète des compagnons de la Sainte-Vème qui protégeait Louis de Beaulieu. J'étais à Orléans lorsque j'appris qu'il avait été condamné à mort pour crime d'imposture. Que faisais-tu donc à Orléans? Des dettes et des emprunts. Je connaissais un gros propriétaire très estimé qui était parti passer 3 mois sur la côte bretonne. Ayant besoin d'argent, ça m'arrive, je m'étais introduit dans la peau de l'absent. M'étant grimé, j'avais pris sa physionomie et m'étais introduit chez lui. Je connaissais ses habitudes et ses relations. Sous son nom, je faisais des emprunts considérables, j'avais mes entrées partout, je cambriolais avec une facilité déconcertante. Tout allait bien, j'avais réalisé 850 000 francs lorsque je me vis menacé par les terribles compagnons de la Sainte-Vème qui avaient découvert ma retraite. Tu échappas à leur vengeance? Échapper à leur vengeance, c'était impossible. Ces gens ont partout des affiliés qui vous épient dans l'ombre. Tu n'es pourtant point mort. C'est donc... C'est que j'employais une tactique habile. Mes ennemis m'avaient découvert sous le déguisement de mon ami, le propriétaire orléanais. Je télégraphiais à celui-ci, au nom de mon notaire, l'engageant à rentrer au plus tôt chez lui pour affaires urgentes. Mon homme accourut aussitôt, je lui fis place. Je m'esquivai juste au moment où les compagnons de la Sainte-Vème allaient mettre leur criminel projet à exécution. Ils virent mon ami le propriétaire, supposèrent qu'il n'était autre que Marcel Deguay déguisé, et ils le poignardèrent. Le malheureux! Ne le plains pas, c'était un mauvais riche, un égoïste qui avait fait fortune en saignant les pauvres. Ceci fait que tu as rendu l'âme par procuration. Oui, c'est la troisième ou quatrième fois qu'on enterre ainsi Marcel Deguay. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus guère d'état civil et que si quelqu'un s'avisait de me dénoncer, les policiers répondraient flegmatiquement « Fichez-nous la paix, Marcel Deguay est mort et bien mort. Je puis sans danger arborer mon nom et déposer ma carte où je me présente. On me prend pour un amusant et inoffensif fumiste. » Et ton comte de Beaulieu, qu'est-il devenu? Ses droits ont été reconnus et il est allé s'installer dans son vieux château. Tu comprends qu'il recevrait sans plaisir son ancien séquestrador. Il ne me reste qu'un moyen d'arriver jusqu'à lui, d'entrer dans son château sans éveiller ses soupçons. Et ce moyen ? C'est de me métamorphoser à nouveau, de prendre la forme d'un ami intime du comte Louis de Beaulieu. Et cet ami ? Cet ami est un aventurier gascon qui ressemble étonnamment au jeune comte. Tu le connais ? Un peu. Il se nomme le chevalier Gaston Terrailles de Bayard, d'Arsac, de Savignac. Et il est tout seul pour porter tous ces noms ? Non, puisque je vais l'aider. Tu comptes donc partir pour le château de Beaulieu et découvrir ses fameux trésors ? Oui, et je voudrais que tu m'accompagnasses. Ton aide me serait précieuse au plus haut point. As-tu des affaires qui te retiennent ici ? Non, j'ai terminé mes derniers cambriolages. C'est comme moi. Nous pourrions aller respirer l'air de la campagne. Le château de Beaulieu doit être charmant. Quand partons-nous ? Demain, si tu veux. Parfait. Prépare-toi donc, je viendrai te prendre demain. Convenu. Les deux amis se serrèrent la main et se quittèrent.